Passez un très bel après-midi avec nous. Là tout de suite, c'est Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Le cinéma, c'est comme le sexe. Quand c'est bien, c'est génial. Et quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. Cette semaine, Hollywood. Le passage à Hollywood fait partie de ce dépassement du théâtre pour avoir notamment des décors naturels. Au théâtre, vous avez une toile peinte. Des débuts à la suite. Le cinéma hollywoodien est devenu très fort. Et une des raisons de la domination du cinéma américain dans le monde, c'est la force de son réseau de distribution. Quelques personnages oubliés. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs étaient ceux qui ont écrit l'histoire du cinéma dans les années 40. Heureusement, les choses ont changé. En juger par le nombre des rabatteurs et des petits mercantis astucieux qui guettent le voyageur à son arrivée à Los Angeles et le relancent par téléphone jusque dans sa chambre d'hôtel, Hollywood doit être un lieu de pèlerinage aussi fréquenté que Jérusalem, où les guides polyglottes et les marchands de bondieuseries sont une plaie et vous poursuivent jusque dans l'enceinte des lieux saints et au tombeau du Christ en vous proposant leurs services, souvent les plus équivoques. Mais ce qui me surprend à Hollywood, c'est que pas plus dans la valise ou le portefeuille clandestin des quidams qui vous abordent dans la rue qu'à la vitrine des boutiques de curiosités ou des papetiers, on n'aperçoit nulle part une branche de houx, même pas en carte postale. Pourtant, le houx devrait être l'emblème de Hollywood. Et un arbuste, un rameau ou tout au moins une feuille de cette plante devrait figurer dans les armoiries de la cité ou dans la marque de fabrique de chaque pellicule éditée par les grands trusts du cinéma. Je me suis renseigné. Madame Wilcox, la marraine de Hollywood, avait coutume de répondre quand on lui demandait pourquoi elle avait choisi ce nom de Hollywood, qui signifie le houx, pour baptiser les lotissements de son mari, qui donnèrent naissance à la ville nouvelle, enregistrée sous ce nom en 1903 et qui comptait alors 700 habitants. J'ai choisi ce nom de Hollywood tout simplement parce que cela sonne bien et parce que je suis superstitieuse et que le houx porte bonheur. Comme vous pouvez le voir, la ville a bien réussi. Malheureusement, tous les arbustes de houx que j'avais fait venir à grands frais d'Angleterre et que j'avais plantés en bordure de notre premier lotissement ont crevé et je ne m'en suis pas consolé. Madame Wilcox, qui devait être une Anglaise sentimentale, est morte à la veille de la crise. Une rue tranquille, écartée, délicieusement plantée de poivriers du Japon et de palmiers, porte aujourd'hui son nom. Dans la capitale de la photographie, je n'ai pas pu trouver une photo ou un portrait de la marraine de Hollywood. Mais j'ai pu me procurer une reproduction du premier document où le nom de Hollywood soit inscrit. C'est justement le plan du lotissement, le houx. Il date de 1887. Je crois que c'est le plus ancien document connu. Yannick Dehay, vous êtes historien, vous vous êtes intéressé à l'histoire économique de l'industrie hollywoodienne. Et puis je vous ai parlé de deux ouvrages, Joseph Kessel, Hollywood, Ville Mirage, et Blaise Sandrard, Hollywood, la Mecque du cinéma. Vous me disiez, oh, ça c'est des grands classiques. Ce que j'avais noté qui était assez étonnant, c'est que les deux bouquins ont été écrits la même année, en 38, sauf erreur, 36 ou 38. Qu'est-ce que ça évoque? Alors en fait, que ce soit Kessel ou Sandra, ce sont des écrivains qu'aujourd'hui on connaît et qu'on lit, mais on ne lit pas ces livres-là, qui sont des livres de reportage, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était d'abord des reporters, avant d'être des écrivains, ou c'était des écrivains reporters, comme on voudra. Effectivement, les deux sont à Hollywood, me semble-t-il, en 1936, pour une raison très simple, c'est que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que dans les années 30, on a l'explosion d'Hollywood, et surtout Hollywood prend le pouvoir sur l'industrie mondiale du divertissement. 7 ans après la crise. Et pas que malgré la crise, c'est aussi peut-être un peu grâce à la crise, puisque Hollywood a été également un soutien psychologique pour les Américains, pour les chômeurs. Il leur a donné de l'espoir, du rêve. Il a permis de marteler le modèle et le rêve américain. Il est aussi un miroir, si on songe aux raisins de la colère. Et dans une moindre mesure, il a permis aussi d'exprimer certaines frustrations, colère, certaines colères, etc. Et donc, ils vont voir tout simplement comment ça se passe, comment ce qu'on a appelé l'usine à rêve produit en si grande quantité ce divertissement qui était utilisé à l'échelle mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que les deux montrent bien l'envers du décor. C'est-à-dire qu'ils font leur boulot de journalistes et ils montrent bien qu'au-delà de cette image scintillante, eh bien, il y a en fait un esclavage moderne. On a une organisation tayloriste avec des techniciens qui passent d'un plateau à l'autre, d'un film à l'autre dans la même journée, des acteurs qui passent eux aussi d'un film à l'autre et qui vont là où on leur dit d'aller pour la promotion du film, des scénaristes qui sont installés en batterie, qui pouvaient être des écrivains tout à fait distingués et renommés et qui, une fois qu'ils sont à Hollywood, eh bien, ils sont dans des grandes salles avec leur machine à écrire à côté d'autres écrivains, et puis ils doivent produire un certain nombre de feuillets par jour. Bref, on est dans une organisation menée à la baguette de manière industrielle. On a industrialisé la création cinématographique. Ce qui me frappe avant tout en entrant, c'est de voir le grand nombre de gens qui encombrent le plateau aujourd'hui et qui s'affairent autour du metteur en scène et de ses interprètes. Comme on ne perd pas une minute, qu'il n'y a pas d'à-coup, pas d'hésitation dans la marge du travail, bref, que cela tourne rond du matin au soir avec tout juste un temps d'arrêt à l'heure du déjeuner, j'en conclus que, comme dans une usine, chacun sait exactement ce qu'il a à faire et je ne suis pas long à comprendre que l'équipe autour du metteur en scène se compose aujourd'hui exclusivement de spécialistes. Mais tout aussitôt, j'ai également l'impression que ce travail continu, dépêché, manque d'entrain. Et que si chaque homme qui s'active dans son coin connaît bien sa partie, fait son boulot quasi automatiquement, il se désintéresse de l'ensemble et ne songe pas une minute au résultat final, qui est tout de même une œuvre d'art. En dehors du titre, et à part le metteur en scène et peut-être aussi les principales vedettes d'un film, je doute fort que l'équipe sache seulement ce qu'elle tourne. Tellement la hâte que je vois est grande d'en avoir fini avec la besogne de la journée, qui se fait rapidement, certes, mais sans joie. Tant de mètres, tant de scènes à l'heure, dans tel et tel décor, chaque jour la tâche est imposée, et l'on s'incline. Et l'attention de tous est extrême. De temps à autre, quelqu'un allume une cigarette par détente. Mais, du metteur en scène et de la star, au dernier des électriciens et au plus infime des accessoiristes, personne n'a l'air content, car chacun se sent surveillé par les chronométreurs et les experts qui ont minuté le scénario, établi l'horaire du travail, distribué les rôles, fixé les fonctions, les emplois, calculé les dépenses, les responsabilités, les chances, ainsi que l'échelle des salaires. Effectivement, la perception de l'industrie cinématographique est de prime abord à milieu d'une industrie fordiste. On n'imagine pas la T-40, la fameuse T-40, à l'intérieur d'Hollywood. Lors même que vous dites, mais si précisément, Hollywood, c'est quasiment l'application. D'ailleurs, ça sera traduit par Chaplin dans Les Temps modernes, mais c'est quasiment ça, la mécanisation absolue à l'intérieur du divertissement. Mais le divertissement reste en façade et c'est lui finalement qui maquille l'ensemble, on pourrait dire ça comme ça. La grande réussite d'Hollywood, c'est effectivement d'avoir imposé une image souriante, divertissante, mais cette image, elle est produite en arrière-plan par une organisation au cordeau extrêmement exigeante, extrêmement prenante et fatigante. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sortent du système complètement lessivés. Alors, qui peut-être après, dans 20 ans, dans 30 ans, écriront des mémoires racontant de manière souriante et nostalgique ce monde-là, il n'empêche que, justement, ce qui a fait la réussite d'Hollywood, ça a été précisément cette industrialisation menée à la baguette. Parmi les personnages seigneuriaux, il en est un qui appartient entièrement, exclusivement au monde du film. Il est nouveau, complet et surprenant. Il s'appelle le producer. Si j'emploie à dessein le mot anglais, ce n'est point par un souci qui serait assez puéril de couleur locale. En vérité, je ne trouve pas d'équivalent en français, ou alors il y faudrait des périphrases longues. Le terme n'existe pas ici parce que la fonction qu'il désigne fait défaut. Qu'appelle-t-on à Paris un producteur ? C'est en général un personnage indéterminé qui fournit une faible partie de l'argent nécessaire à un film, se procure difficilement le reste, fait de la corde raide entre les distributeurs, les propriétaires de studios, les auteurs et les acteurs, qui jouent sur une vedette ou sur un commanditaire ou un scénario et qui, une fois son affaire bâclée au plus vite et au petit bonheur, attend pour recommencer parmi les traites et les exploits d'huissier le résultat des hasards conjugués par ses mains ignorantes. Je ne dis pas que chaque producer d'Hollywood soit un génie ou même qu'il ait quelques dons. Beaucoup n'ont ni talent, ni goût, ni connaissance générale, ni finesse. Mais par le seul fait qu'ils sont les mandataires de firmes stables et puissantes, ils ont une toute autre figure et leur action s'en trouve complètement transformée. Ce que notent Joseph Kessel et Blaise Sandrard dans leurs deux ouvrages, La Mecque du cinéma pour Blaise Sandrard et Hollywood Ville Mirage pour Joseph Kessel, c'est la singulière, et je pense qu'ils en sont véritablement frappés, différence avec la manière dont l'Europe produit ses propres films. La figure même du producteur, producer parle Joseph Kessel, est aux antipodes de ce que l'Europe peut connaître. Oui, alors effectivement, ils sont surpris, étant eux-mêmes dans les médias, ils ont vu comment fonctionnait la production à la française, qui est une production beaucoup plus artisanale, dans laquelle la part des, ce qu'on appelle les indépendants, qui existent à Hollywood, hein, il y en a quelques-uns, Goldwyn, etc., mais la part des indépendants, en France, elle est majoritaire. C'est-à-dire que vous avez déjà quelques studios comme Pathé et Gaumont, mais en fait, ils ne produisent qu'une minorité de films, ils sont plutôt des distributeurs, de films que... Et déjà exploitants. Et ils sont déjà exploitants, absolument. Vous avez, par exemple, le Gaumont Palace, inauguré au début des années 30, Place Clichy, qui était un magnifique cinéma. Il faut préciser, parce que bien des gens, évidemment, ne le connaissent pas, c'était un lieu qui disposait de grandes orgues sortant du plancher de la salle et accompagnant les projections les plus... Et avec une architecture magnifique. Enfin, voilà, malheureusement, il y a un centre commercial. Disparu, voilà. Il a disparu. Un magasin de bricolage à la place. Les temps changent. Donc, la plupart des producteurs, vous aviez à l'époque une organisation beaucoup plus artisanale. Vous prenez même des films qui sont devenus aujourd'hui des classiques. Jean Renoir, par exemple. Quand Jean Renoir travaille dans les années 30, c'est une toute petite organisation. C'est une dizaine de personnes pour produire le film. Ça se fait à la bonne franquette. Dans chaque compagnie de Hollywood, le conseil d'administration détermine la quantité de films qui sera livrée au public au cours de l'année. Pour les exécuter, il désigne un certain nombre de producers. Celui-ci aura à en fournir 6, cet autre 8, cet autre 12. Ainsi, le producer reste le maître du terrain. Il choisit le sujet, les auteurs, le metteur en scène, les acteurs. C'est lui qui compose et dirige cette orchestration aux mille formes qu'est un film. C'est lui qui est l'alchimiste de ce mystère moderne. Rien n'échappe à son contrôle, ni l'appareil technique, ni les dépenses, ni la distribution, ni l'élaboration du scénario, pas même l'activité du metteur en scène. Il est l'autocrate d'un royaume, le patron d'une industrie, le rédacteur en chef d'un journal confié à sa discrétion. Certains Européens, tels Jean Renoir, tels Fritz Lang, vont s'essayer avec plus ou moins de réussite à l'architecture hollywoodienne. Certains vont s'y fondre avec relativement de facilité, des gens comme William Wyler, le futur réalisateur de Ben-Hur. D'autres, en revanche, et Jean Renoir en fait partie, vont se dire « cette chaussure n'est pas tout à fait à mon pied ». Effectivement, beaucoup de gens de cinéma vont devoir quitter l'Europe pour des raisons que l'on sait, à la fin des années 30 ou au début des années 40. Et ils ne vont pas tous trouver leur place à Hollywood. On a des gens comme Lou Beach ou Billy Wilder qui vont devenir des piliers du système, qui vont complètement intégrer leur esprit européen, leur humour européen dans le système hollywoodien. Et puis d'autres, effectivement, comme Jean Renoir, qui s'installe à Hollywood, mais qui va avoir beaucoup de mal à travailler. Je pense que c'est effectivement culturel. C'est-à-dire que la façon de travailler en petite équipe, quand bien même on le voudrait, à Hollywood, on n'a pas le droit de travailler en petite équipe. On est obligé, par les réglementations, avec le poids des syndicats, on est obligé d'avoir une équipe très lourde. Le réalisateur ne peut pas lui-même régler l'éclairage. Il est obligé de s'adresser au chef éclairagiste qui lui-même va demander à son équipe de mettre en œuvre ce qu'on lui demande. Bref, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles un certain nombre de tournages sont délocalisés soit en Europe de l'Est, soit au Canada ou ailleurs, parce que le cinéma indépendant qui veut pouvoir faire un film avec un tout petit budget ne peut fonctionner que dans les marges du système. Ce travail au studio qui n'a plus rien d'artistique, mais est un travail de série, épuisant, éreintant pour tous, finit par déconcerter, mécontenter, décourager les artistes qui ont de la personnalité et du talent et qui voient tous leurs dons être confinés dans un emploi qui est d'un bout de l'année à l'autre toujours le même. Ils fanent ou démodent rapidement la beauté vivante des stars que l'on s'efforce à fixer une fois pour toutes dans un type qui doit rester immuable. Ils terrassent le metteur en scène le plus doué et le plus riche d'idées. C'est que la discipline est très stricte sur les plateaux d'Hollywood et que la règle est inflexible. On ne vous demande pas d'avoir du génie, mais d'obéir et de faire vite. Ce qui est assez paradoxal comme situation, Yannick Dehaye, c'est de voir à quel point ce système, son organisation, un tournage, et pas que, la construction d'un décor, etc., est au cœur du pays où l'économie libérale est véritablement le biorhythme absolu de cette société, est dans un carcan organisationnel phénoménal. Comment expliquer cet esprit bougrement syndicaliste dans ce pays qui proclame volontiers la liberté, le libéralisme? Ce n'est une contradiction qu'en apparence. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un pays de très grand libéralisme, mais également de très grand pragmatisme, et qui ne connaît que les rapports de force. Par conséquent, un certain nombre d'avancées sociales ont été obtenues, quelles que soient les catégories, ont été obtenues par des syndicats qui se sont mobilisés à un instant T pour obtenir des règles professionnelles, des garde-fous qui étaient tout à fait légitimes à une époque et qui ont pu, 10 ans ou 20 ans plus tard, paraître inadaptées à la nouvelle donne économique. Mais au nom, je dirais, des avantages acquis, il n'était pas question de revenir dessus. Il faut également avoir en tête qu'on est dans la lutte contre le communisme, alors avec un anticommunisme qui est plus culturel que pratique dans les années 30 et 40, parce que face à Hitler, l'URSS sera un allié, donc il faut y aller mollo. Mais ensuite, à partir de 47, on est dans la guerre froide. Par conséquent, il a pu apparaître que pour lutter efficacement contre le communisme, il ne fallait pas remettre en cause un certain nombre d'avantages, et que c'est une espèce de donnant-donnant. Les syndicats acceptent, je dirais, d'être purs de tout communisme, mais en échange, il ne faut pas venir les chatouiller. Il faut qu'eux puissent montrer à leurs membres qu'ils les défendent efficacement et qu'ils obtiennent des choses pour eux. Dans quelle mesure, Yannick Dehaye, la télévision va-t-elle faire bouger les lignes de toute cette industrie économique hollywoodienne ? La télévision, qui se développe de manière exponentielle dans les années 50, dans un premier temps va déstabiliser Hollywood, puisqu'elle semble fournir gratuitement un divertissement qui peut s'y substituer. Et consommable de chez soi, mais avec de la pub, mais en noir et blanc, et ainsi de suite. Alors, Hollywood, dans un premier temps, réagit par un développement technique, c'est le développement du cinémascope, de la Vista Vision, enfin d'un certain nombre de formats qui, justement, ne peuvent pas être reproduits à la télévision. Mais, en fait, il apparaît dès les années 60 que le plus sage, c'est tout simplement que Hollywood accepte de créer des départements de production télévisuelle qui, en réalité, peuvent permettre d'équilibrer ses activités. C'est-à-dire qu'une année où il n'y aurait pas de grand succès en salle, eh bien, on aurait au moins une certaine rentabilité acquise de ce côté-là. Donc, en réalité, les deux vont s'apprivoiser, et puis on ne produit pas la même chose pour la télévision qui entre dans tous les foyers, qui donc donc il s'agit de programmes qui doivent pouvoir être vus par la famille. Justement, dans les années 70, Hollywood va se repositionner comme pouvant produire pour la salle des programmes plus transgressifs, qu'il s'agisse de violence, qu'il s'agisse de sexe, qu'il s'agisse éventuellement de contenus politiques plus agressifs. Bref, on va en salle de cinéma pour se donner des frissons par rapport au robinet d'eau tiède que diffuse la télévision. Vivante cette semaine, Hollywood. Nolwenn Mingan, vous avez regardé pour nous, et on vous en remercie vivement, le documentaire que l'on pourra découvrir dimanche soir sur RTS2. Pour ma part, j'en sors à peine, j'en suis tout frais, donc encore remué par certaines informations, et puis admiratif de magnifiques archives que l'on peut trouver dedans. Le documentaire s'appelle « Et la femme créa Hollywood ». Évidemment, la référence semble évidente, il n'y a pas besoin de stabilo-bosser la chose. Néanmoins, j'aimerais bien avoir votre avis, opinion, faites-nous la critique de ce documentaire. Je trouvais que c'était un très bon documentaire et un documentaire nécessaire. Le documentaire, en fait, revient sur la présence des femmes qui travaillaient à Hollywood en tant que productrices et réalisatrices, c'est-à-dire des femmes dans des positions de pouvoir. Et donc, c'est vrai que le documentaire argue, en fait, que avant les années 20, les femmes étaient extrêmement présentes, travaillaient en tant que scénaristes, productrices, avaient leurs propres entreprises, et que à la suite de l'arrivée du son, donc en 1927, des films parlants, et à la suite du crash de 1929, le cinéma est devenu une industrie très florissante, et que ce sont donc des hommes qui ont repris la direction et qui ont tout simplement évincé les femmes. Et je trouve que le documentaire montre aussi très bien que ce retour des femmes en position de pouvoir a été assez tardif, parce qu'on parle quand même de la fin des années 80. Et le documentaire donne la parole à des femmes qui sont actuellement en position de pouvoir, mais qui ont donc commencé leur carrière il y a une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Donc, on voit que c'est très récent, et elles-mêmes continuent à dire qu'elles ont été finalement des pionnières dans le retour des femmes à Hollywood et que la situation reste extrêmement inégalitaire. Donc voilà, je trouve que le documentaire dresse un bon portrait d'une situation initiale où les femmes étaient présentes, d'un oubli total pendant des décennies, et de ce retour, en tout cas, de cet essai de reconquérir leur place au sein d'Hollywood de la part des professionnels du cinéma aujourd'hui. J'ajouterai à la thèse le fait que l'on a nous-mêmes oublié ô combien les hommes qui ont réalisé ces grands nombres de films de cette période du muet, et qu'il ne sort plus désormais dans l'archipel que quelques pointes, quelques noms célèbres, mais que c'est vrai que cet oubli-là, il a couvert largement aussi bien les hommes que les femmes. Mais ce qui est effectivement très intéressant, c'est la dimension du nombre, c'est-à-dire que les femmes sont extrêmement nombreuses autour de ce premier médium. Il y a quelque chose qui leur parle, il y a quelque chose dont elles devinent qu'elles peuvent y faire quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement singulier. On sent qu'elles s'y jettent parce que il y a tout à inventer. C'est quelque chose que vous connaissiez, vous ? Je savais qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à Hollywood, mais je n'avais pas eu tous ces éléments, donc ça m'a aussi beaucoup intéressée de voir le documentaire. On voit les photos, on voit tous ces visages, ouais, des visages magnifiques. Ce qui est très frappant de voir les photos, donc il faut voir le documentaire, qui est vraiment un très bon documentaire. Ça me fait penser à la notion de marge à Hollywood, c'est-à-dire aux espaces où les personnes qui ne sont pas des hommes blancs sont autorisées à travailler. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon travail sur les acteurs américains ayant des origines arabes. On voit bien, dès qu'on commence à travailler sur les minorités, qu'il y a des espaces où ils ont droit d'aller travailler, c'est-à-dire la télévision, c'est-à-dire tout ce qui va être du domaine de la comédie. Et puis, il y a des espaces où on ne les acceptera pas tellement, c'est-à-dire le cinéma et tout ce qui va être les films sérieux ou les films d'action. Et donc, ça m'a vraiment renvoyé à ça quand on a vu pourquoi ces femmes avaient le droit d'aller à Hollywood, parce que c'était pas Hollywood, déjà, parce que c'était cette industrie naissante, et que c'était même pas une industrie, c'était artisanal. Donc, en fait, personne s'y intéressait, donc les femmes pouvaient y aller. Et à partir du moment où ça devient intéressant, quelque chose de dominant, quelque chose qui rapporte, on élimine en fait ces personnages secondaires. Donc c'est vraiment cette question de marginalisation, elle est très intéressante parce qu'elle renvoie à des marginalisations qui existent aujourd'hui. There were more women producing, directing in studios before 1920 than even today. Lois Weber Studios in Los Angeles. And so she really is the first woman to have a studio with her own name on it. I mean, again, these women were writing every kind of film. Women in the film industry at that time were absolutely thriving, but it started to change. Women were no longer as welcome in Hollywood because these were jobs that were very well paid. These were jobs that were now respectable. Now, look, baby, I'm not trying to rush you. Je continue de m'interroger sur la présence de ces femmes et je serais assez intéressé à regarder un documentaire qui ne propose pas forcément une thèse, mais qui essaye de faire un peu le tour statistique du nombre de gens qu'on a pu oublier, réalisateurs, scénaristes, etc., à partir de la fin du muet, à partir du début du parlant. Là, je pense qu'il y a un champ absolument gigantesque de gens qui ont expérimenté, qui sont dans la fièvre du moment, et voilà. Mais aujourd'hui, les choses sont systématiquement passées sous le gris de la thèse, donc il faut se faire avec le moment. C'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai questionnement politique aujourd'hui sur les minorités. Absolument. Et donc, quand on va chercher quelque chose, c'est quand même important de savoir pourquoi on le cherche. Ouais, et là, je pense, bon, je m'avance un petit peu, mais je pense que les réalisatrices du documentaire ont clairement été, en tout cas, poussées à faire ce documentaire parce qu'il y a aujourd'hui toute cette conversation autour de la place des femmes à Hollywood, mais aussi dans la société. On est quand même dans la quatrième vague de féminisme. Donc, évidemment, pour moi, il y a une thèse à avoir sur cette question-là. Et je dirais, qui pourrait être intéressé d'aller regarder ce qui s'est passé pendant cette période? C'est peut-être aussi des chercheurs qui travaillent sur d'autres minorités. Quelle était la situation des acteurs noirs à l'époque? On n'en voit pas beaucoup dans les photos, là. Voilà. À l'époque, c'était des blancs qui mettaient du maquillage pour jouer des noirs. Du cirage. Voilà, parce qu'un acteur noir n'avait pas le droit de jouer avec une actrice blanche. Les musiciens Duke Ellington devaient passer par la porte de service. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément plu, Nolwenn Magan, c'est la relation que l'on a au produit. Au cinéma, dit l'une des intervenantes, on paye d'abord. On paye avant d'avoir vu. C'est une inversion auquel j'avais jamais pensé. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Parce que le musical, c'est le chapeau qui est présenté après. Si on a aimé le numéro, on paye. Le cinéma, il inverse la relation. Oui, et du coup, d'où la très grande importance de tout ce qui va être du domaine de la publicité. Ah oui. Donc, d'où la très grande importance pour les studios hollywoodiens du département publicité qui va travailler sur la biographie des stars, voire inventer une biographie des stars pour leur donner une certaine image, une certaine personnalité, une image publique en fait, que l'on va ensuite retrouver dans les films. Et la femme créée à Hollywood est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci à Nolwenn Magan, historienne, et Yannick Dehé, historien, d'avoir participé à cette semaine et à cette émission. Les extraits d'Hollywood, Ville Mirage de Joseph Kessel et Hollywood, la Mecque du cinéma de Blaise Andrard, étaient lus par Didier Martini et Eddy Houdin. Never rat on your friends. and always keep your mouth shut. You'll always have Paris. Hey, Stella! Frankly, my dear, I don't give a damn. Now, if everybody will just take it easy, nobody will get hurt. Stand aside! Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.